Bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gémozo 107FM. Aujourd'hui, et je continue avec l'anthologie du suspense et une petite nouvelle qui s'appelle La tombe invisible, écrite par Arthur Poroche. Bien. Le capitaine Greg, comme beaucoup de gens à la tête dure, croyait au dicton « jamais 203 ». Comme il sortait à peine de deux cas comportant des cachettes compliquées, il s'agissait pour la première d'un rubis, pour la seconde d'un livre rare, il ne fut pas particulièrement surpris devant un problème de corps disparu. C'était naturellement la pire des trois affaires. Il est assez aisé de cacher de petits objets, mais dissimuler une femme d'environ 50 kilos, et cela dans un espace relativement réduit, c'est tout autre chose et Greg avait peine à y croire. À moins que le meurtrier ne se fût débrouillé pour transporter le cadavre à travers une trentaine de kilomètres de rue banlieusarde jusqu'à un petit coin désert, genre petite ferme de 3 ou 4 vaches, à supposer qu'il en exista une dans cette zone surpeuplée pour l'enterrer dans une fosse peu profonde, facile à découvrir. Non, Elsa Newman était certainement dans le sous-sol de la maison des Newman, ou bien dans la cour. Mais voilà, elle n'y était pas. Ou alors Greg était incapable de mener les recherches. Dans les deux autres affaires, les criminels avaient découvert, avec une brillante ingéniosité, qu'on devait leur reconnaître, comment de petits objets, tels qu'une pierre précieuse ou un livre, pouvaient être cachés presque à la vue de tous, selon le principe de la lettre volée de Poe, et confondre le détective le plus fort. Certainement, ils avaient roulé Greg, l'obligeant à se faire aider, ce qui est un moyen peu régulier mais efficace pour arriver à résoudre les problèmes apparemment insolubles posés par d'habiles filous. Et voici que, pour la troisième fois, Greg était amené à recourir à son conseil particulier. Cela ne le réjouissait guère, mais il savait reconnaître quand il était battu. Julian Morse Trowbridge avait l'air d'un gnome noceur qui aurait la gueule de bois pour avoir bu trop de champignons fermentés ou une de ces saletés qu'on absorbe quand on est en bamboche. Sa large figure blême, moite et malsaine, avec ses molles bajoues, était posée sur un cou mince comme un fil. Quant à son torse, il évoquait le « avant » d'une publicité de culture physique. Mais à l'intérieur de cette grosse tête en forme d'obus, il y avait un remarquable cerveau bourré d'un savoir ésotérique toujours disponible. Trowbridge avait obtenu son diplôme de Harvard à 14 ans et 2 ans après celui de docteur en sciences physiques et mathématiques. Mais son intelligence était de plusieurs décades en avance sur son équilibre émotionnel. Aussi avait-il eu une dépression et s'était-il évadé du monde intellectuel. Maintenant âgé de 50 ans, il vivait dans une maison délabrée où il régnait comme une sorte de Salomon du coin, donnant gratuitement des conseils généralement excellents à tous ceux qui lui en demandaient. Quand le capitaine Greg vint le trouver pour la troisième fois en quelques mois, il surprit le vieux gnome en train d'expliquer patiemment en termes précis et pédants un théorème de calcul différentiel à un garçon boutonneux dont l'ardent désir était d'amener le vieux raseur à faire son devoir pour lui. La continuité n'implique pas la différentialité, disait Trowbridge au jeune chercheur de vérité. Souviens-toi de cela, mon garçon, et toutes les difficultés que comporte ce genre de problème disparaîtront, ajouta-t-il brusquement. Il reconduisit poliment l'étudiant vers la porte et, avec un soupir de soulagement, se tourna vers Greg. « On dirait que vous ne lui avez pas fait plaisir, » dit sèchement le détective. Je crains que vous n'ayez raison. Ce garçon n'a pas le cerveau pour les hautes études. C'est terrible à dire. Mais je crois vraiment qu'il ne comprend pas très bien ce qu'est une fonction. Cependant, ajouta-t-il en clignant les yeux, avec le même handicap, vous n'avez pas trop mal réussi. Le problème qui vous embarrasse n'est pas, j'en suis sûre, d'ordre mathématique. Les choses arrivent par trois, dit le détective. Deux fois je suis venu chez vous pour des machins cachés dans des endroits où n'importe qui aurait dû pouvoir les trouver, mais où personne ne les trouva, en fait, avant que Trowbridge n'ait montré le chemin. Eh bien, cette fois-ci, il s'agit de tout un corps de femme mesurant 1m60 et pesant 45 kilos environ. Cette femme a disparu depuis 2 semaines maintenant. On la croit morte, surtout moi. Et aucun corps n'a pu être trouvé, quoique, aussi invraisemblable que cela paraisse, ils doivent être cachés dans la maison même ou dans le minuscule jardin. S'il n'y avait pas eu les deux autres affaires, je n'aurais jamais pensé qu'elle fût tellement près. Mais maintenant, le gnome s'enfonça davantage dans l'énorme fauteuil défoncé et moisi qu'il préférait. « Ah » soupira-t-il d'un air heureux. Parmi tous les problèmes qu'on lui soumettait, ceux qui lui plaisaient le plus étaient les crimes compliqués. Ils ajoutaient du piment à son existence assoiffée d'émotions. Les maths étaient passionnantes, mais pas assez sanglantes. « Racontez-moi ça. Qui soupçonnez-vous et pourquoi ?» Quant au motif et à l'assassin probable, le cas est simple. C'est Léo Newman qui a fait le coup. C'est un gros type, laid et chauve, qui a de l'argent. Et une jolie femme. Il l'a ramenée d'Allemagne en 1949. Elle avait d'abord 16 ans et voulait visiblement s'échapper de cette pagaille. Elle s'appelait Elsa Keller, blonde, très fine et flirteuse. Le genre de femme qui invite le facteur à prendre le café, ou le livreur de l'épicerie, ou l'installateur du téléphone. Enfin, tous les mâles qui lui tombent sous la main. Newman se battait souvent avec elle et menaçait de la tuer. Les voisins entendaient leur bagarre. Eh bien, il y a 2 semaines, elle a disparu. Ses proches voisins disent qu'ils se sont encore battus et que, tout à coup, elle a cessé de crier. Puis, tout est redevenu calme. Lui prétend qu'elle s'est enfuie, mais personne ne l'a vue partir. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait pris le bus, le train ou l'avion, et tous ses vêtements sont à la maison, sauf ceux qu'elle avait sur elle. Maintenant, je crois qu'il s'est emporté et qu'il l'a tuée, peut-être involontairement. Il s'est débarrassé du cadavre d'une manière ou d'une autre, mais où ? Il y a des kilomètres carrés de petites pelouses bien entretenues, puis une banlieue plus vaste, mais pas d'endroit où enfouir un corps pour qu'il soit difficile à trouver. Sa propre maison est vieille et très grande, avec des mansardes et beaucoup de recoins. Mais que diable, Julian, il n'y existe aucun endroit où on ne pourrait retrouver un corps de femme. Il ne l'a sûrement pas découpé en morceaux, parce que ça laisse toujours des traces, sang, chair ou quelque chose que les gars du laboratoire criminel découvrent fatalement. Voilà toute l'histoire. Elle a disparu, mais n'a pu s'enfuir. Aussi, elle doit être morte. Mais alors, où l'a-t-il cachée ? Cela dépend, dirais-je, dit Trowbridge calmement. « Du degré d'astuce de M. Léo Newman. Est-il astucieux ?»« En un sens, oui. Il est adroit, c'est certain. Il a un grand hangar, bourré d'outils, perceuses, un tour, du matériel pour fondre, souder ou braser, des malaxeurs de béton, des caisses de boulon, écrous, tuyaux, chaînes. Il pourrait évidemment réparer ou faire un tas de choses. » Mais de là à inventer une tombe invisible. Elle n'est pas enterrée dans le jardin. Je vous le garantis, nous avons vérifié chaque centimètre carré, la pelouse est intacte. Quelle attitude a-t-il ? Celle d'un coupable, dirais-je. très gêné, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de nous avoir roulés. Il insiste sur le fait qu'elle a dû se sauver avec un de ses nombreux amoureux, mais prétend qu'elle n'était pas en colère, seulement un peu fâchée. Le lendemain du jour où nous avons fouillé l'endroit pendant des heures, il est allé s'installer à l'hôtel. Je me demande pourquoi. Pourquoi payer une pension quand on a une maison à soi ? Je pensais tout d'abord qu'il avait dû la cacher dans la maison et qu'il craignait qu'au bout de quelques jours, pendant cette période de temps chaud, ce ne soit, disons, désagréable et révélateur. Mais nous y sommes retournés deux fois avec des mandats de perquisition et nous avons reniflé partout. Il n'y avait rien. Alors voilà, dit Greg en haussant les épaules. Je serais volontiers tenté de croire moi aussi, dit le gnome, qu'il doit y avoir quelque raison pour qu'il ait déménagé, mais sans autre élément, il serait stupide de tirer une conclusion. Pourrais-je avoir un dossier contenant les éléments habituels pour travailler ? Et comment ? Approuva le détective. Il posa un gros et rugueux porte-document sur le bureau de Trowbridge, qui semblait déjà sur le point de céder sous le poids de douzaines de livres poussiéreux, plus gros les uns que les autres. Vous trouverez tout là-dedans. Les déclarations de Newman, les portraits de lui et d'Elsa, des photos de la maison et du terrain. Divers renseignements sur sa pingrerie, par exemple, ajouta Greg amèrement. Il devait savoir que nous retournerions à la maison plusieurs fois. Alors, il avait tout coupé, le gaz, l'eau et l'électricité. Quand le jour était sombre et la nuit, nous étions obligés de nous servir de lampes électriques. En hiver, nous aurions gelé. Naturellement, nos mandats ne nous donnaient pas le droit de réquisitionner l'électricité, le gaz, etc. De Newman. Je suppose que c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour nous contrer. Il ne peut nous mettre dehors, mais il peut compliquer notre travail. Trowbridge haussa sa grosse tête. Du dépit, dit-il doucement. Je me le demande comme c'est étrange. Que voulez-vous dire ? Demanda Greg vivement. Ai-je encore une fois oublié quelque chose ? Rien, fut la réponse rapide, excepté que ce genre de gros lourdeau n'a généralement pas de ces dépits comme pourrait en avoir une femme. Je vais avoir à réfléchir à tout cela. Donnez-moi un coup de téléphone comme d'habitude, si vous arrivez à quelque chose, dit le policier. Naturellement, dit le gnome d'un ton de reproche en raccompagnant Greg à la porte. Le détective savait que le coup de téléphone serait donné probablement vers 3 heures du matin, mais il n'y avait rien à y faire. Les heures d'activité de Trowbridge étaient plutôt celles d'un habitant d'une lointaine planète que celles d'un terrien. En fait, Greg fut arraché d'un profond sommeil à 4 heures du matin. Il chercha à tâtons le téléphone, plein d'espoir, mais maussade, non sans raison. Trowbridge n'aurait-il pas pu attendre encore 2 heures avant d'appeler ? Puis il se sentit plein de remords. Après tout, le petit bonhomme essayait de lui rendre service à sa manière. « C'est moi, Julianne !» dit la voix de Trowbridge, non sans pédanterie. « Apparemment, grogna le policier, qu'avez-vous trouvé ?»« Rien, peut-être, mais il y a une déduction logique. » C'était une de ses expressions favorites. À la condition que votre conviction que le corps n'ait pas quitté la maison se révèle exacte. Je crois qu'elle l'est, dit Greg, tout à fait réveillé maintenant. Tout montre que Greg est resté sur place jusqu'au moment de nos recherches. Il est seulement allé à son travail, a fait quelques courses, puis il est revenu chez lui. Pas de long parcours d'après le compteur de sa voiture et d'après ce que dit son garagiste. Donc, vous pouvez exposer votre théorie. Je me base sur le fait de son déménagement, dit prudemment le gnome. A-t-il coupé le courant, le gaz, etc. parce qu'il partait de chez lui ou a-t-il été à l'hôtel pour expliquer qu'il les avait coupés ? C'est là le point capital. quelle pouvait être la vraie raison pour avoir tout coupé chez lui. Nous cherchons encore. Si tout avait fonctionné et qu'il vive encore là, vous pourriez vous demander pourquoi il n'y avait pas d'eau chaude, fut la réponse énigmatique. « Pas d'eau chaude ?» répéta Greg, puis il sursauta. « Hé, vous voulez dire non, c'est impossible. Elle est petite, mais quand même, il n'y a pas beaucoup de place dans un chauffe-eau. Ce n'est pas un espace vide, il y a des tas de tuyaux et d'accessoires. » Pas vraiment. Le réservoir, en fait, est presque assez grand et on peut facilement faire disparaître tous les tuyaux avec un chalumeau. Vous m'avez dit, et le dossier le confirme, qu'il sait se servir de cet instrument. Bien sûr, mais... Parfait ! Il enlève le couvercle, vide tout le cylindre qui, d'après vos photos de la maison, est plutôt volumineux. Il bouche rapidement en les soudant les trous des tuyaux de façon que rien n'apparaisse de l'extérieur. Non pas, ajouta-t-il malicieusement, que vous n'ayez pas bien examiné tout cela. Puis il met le corps à l'intérieur, replace et soude le couvercle et obtient ainsi une tombe en métal hermétiquement close, bien en vue, mais psychologiquement invisible. Les tuyaux qu'il a retirés, il les jette dans son bric-à-brac, où il y a déjà pas mal de trucs de ce genre. Oh, il prend un risque terrible, mais il est affolé et aux abois. Si vous ne remarquez pas la chaudière, il peut attendre hors de chez lui pendant des mois, jusqu'à ce que leur recherche cesse. Il s'agit, ne l'oubliez pas, d'une tombe hermétiquement close, d'une tombe parfaite. Mais plus d'eau chaude. D'où son séjour à l'hôtel, vous comprenez ? Il y eut un silence significatif pendant quelques instants. Puis le détective dit à contre-cœur : « Oui, mais je ne le croirai pas tant qu'on n'aura pas ouvert le truc. » La logique est une belle chose, Julian, mais le bon sens en est une autre. Avoir le culot de la cacher juste sous notre nez, ça c'est fort. Il eut un rire bref et sonore. « Je ne pourrai plus dormir maintenant. Je m'en vais vérifier illico. » Quand la tombe invisible fut ouverte, 2 heures plus tard, on trouva les restes recroquevillés d'Elsa Keller Newman. Voilà. Bon. Eh bien, mesdames, hein, vous regardez si le chauffe-eau n'est pas trop grand. Hein ? Allez, je vais vous laisser toujours avec la musique d'Alfred Hitchcock et je vous souhaite une très bonne semaine sur Radio Gemozo. À tout bientôt !